Fantastica. Bienvenue à vous tous à cette version abrégée de l'émission intitulée Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et il me fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter une des multiples chroniques réalisées dans le cadre de notre émission radio qui existe depuis 2003. Fantastica est une émission radio diffusée sur le web dans laquelle je m'entretiens pendant plus de 3 heures avec de nombreuses personnes qui nous parlent de diverses passions qui occupent notre quotidien de tous les jours. Au cours des années, nous avons amassé plusieurs centaines d'entrevues que nous vous présentons ici de façon individuelle avec des sujets qui passeront du cinéma à la musique, du jeu vidéo au comique et la bande dessinée, sans oublier des univers tels que l'astronomie, la mythologie, l'archéologie, la littérature, le paranormal et bien d'autres sujets. De plus, je vous présenterai également de multiples entrevues que j'ai réalisées avec diverses célébrités de différents milieux. Aujourd'hui à l'émission, j'accueille Martin Hébert, un professeur à l'Université Laval de Québec en anthropologie, qui va nous parler bien sûr du métier d'anthropologue, mais qui va également nous parler de l'anthropologie en se servant de films ou d'œuvres de science-fiction et d'horreur, et qui sait, peut-être d'autres milieux. Donc, voici une de nos premières entrevues que nous avions réalisées ensemble en 2017, une belle introduction sur le monde de l'anthropologie. OK. Là, vous allez nous suivre parce qu'on essaie quelque chose de spécial. J'ai avec moi M. Martin Hébert. Bonjour, M. Hébert. Bonjour, Christophe. Alors, M. Hébert est anthropologue. M. Hébert, c'est sa première passion, l'anthropologie, mais on ne touchera pas à la deuxième qui va nous intéresser à long terme. On va y aller tout de suite avec la première qui est, on va expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que l'anthropologie et tout ça. Puis, au cours de cette chronique-là, on va vous amener tranquillement vers où on s'en va avec ça, parce qu'on va mixer par la suite cette deuxième passion qu'a M. Hébert, mais qu'on garde secret pour le moment, juste pour qu'on vous laisse quelque chose là, à découvrir. Et puis, on va vous montrer vers où on va s'en aller dans les prochains mois avec M. Hébert et avec la chronique d'anthropologie et point d'interrogation. Donc, M. Hébert, vous êtes un professeur d'université? Oui, je suis professeur au département d'anthropologie de l'Université Laval. Et vous apprenez donc l'anthropologie? Oui, sauf que l'anthropologie, c'est une discipline, c'est un ensemble de questions qui est extrêmement vaste. Donc, on parlait de deuxième passion. Bien, en fait, c'est presque nécessaire d'aller dans du plus pointu à un moment donné parce que, comme on va voir, l'anthropologie peut potentiellement toucher à tout, à toutes les époques et dans une grande, grande variété de dimensions et de formes. Bien, c'est pour ça que la première chronique, je voulais qu'on regarde c'est quoi de l'anthropologie pour que les gens puissent facilement, ceux qui ne sont pas habitués aux mots ou au domaine, puissent facilement comprendre, un, la base, pour que quand on va leur dire vers où on s'en va avec ça, que ça soit facile pour eux après ça de comprendre la façon qu'on va l'apporter. Oui. Donc, qu'est-ce que l'anthropologie? Bon, premièrement, l'anthropologie peut être comprise comme, très simplement, comme étant la réflexion sur l'être humain. OK. Point. On peut voir là-dedans qu'il y a deux sens possibles. C'est-à-dire que si je dis, bon, si je parle de la réflexion sur l'être humain, qu'est-ce que l'être humain, comment il se démarque ou il se rapproche d'autres types d'êtres vivants ou d'autres expériences, ben, vous pouvez me dire, ben, tout le monde fait ça. Tout le monde, à un moment donné dans sa vie, réfléchit sur qui suis-je, qu'est-ce que je fais dans le monde, où est-ce que je m'en vais, pourquoi ma société est organisée de telle façon. Donc, au sens large, l'anthropologie, c'est quelque chose de très élémentaire que chaque être humain sur la planète fait par soi-même. C'est un questionnement existentiel. Existentiel. Et un questionnement sur la société aussi, sur vraiment ce qui nous entoure. Donc, j'insiste sur ce sens large-là, parce que, évidemment, quand on parle de l'anthropologie comme une discipline des sciences sociales, comme elle peut être enseignée à l'université, par exemple, l'anthropologie a un sens plus étroit dans cette deuxième notion-là, sauf que il faut comprendre à la base que c'est quelque chose qu'on fait quotidiennement tout le monde. Donc, c'est vraiment une manière de penser de l'être humain. Sauf qu'évidemment, il y a un sens plus restreint, et ça, c'est le sens de l'anthropologie qui s'enseigne, dans laquelle on peut avoir un diplôme, etc. Et cette anthropologie-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est relativement récente. C'est quelque chose qui a émergé, on pourrait dire, c'est une discipline qui a émergé au milieu du 19e siècle, où on s'est mis à tenter de réfléchir systématiquement et surtout à partir de données concrètes sur la diversité humaine et l'expérience humaine. Donc, l'évolution de la race, vers où elle s'en va, puis pourquoi elle s'en va vers là, d'où elle vient, et ainsi de suite. Exactement. Donc, une des premières portes d'entrée, effectivement, dans l'étude systématique, on pourrait dire, de l'anthropologie au sens de la discipline, c'est l'étude de l'évolution humaine. Donc, c'est pas pour rien que je parle du milieu du 19e siècle. C'est à ce moment-là, en fait, plus particulièrement 1859, là, où Darwin publie son Origine des espèces. Et ce livre-là va avoir un impact très, très grand sur notre conception de nous-mêmes. Donc, jusque-là, bon, je simplifie énormément, il y avait toutes sortes de types de réflexions anthropologiques, mais la grande référence, c'était, disons, en Occident, c'était les textes bibliques. Donc, il y avait cette idée-là de l'humain comme étant créé, comme étant une créature spéciale, on pourrait dire, dans la nature, etc. Et au milieu du 19e siècle, on se met à trouver des clés pour comprendre l'être humain comme faisant partie de la nature, comme un animal essentiellement. Vous pouvez imaginer tout le scandale que ça a causé. Il y avait encore énormément de personnes qui voulaient voir l'être humain comme un être spécial à l'intérieur du monde. Et les premiers anthropologues de cette époque-là ont travaillé très, très fort pour justement faire descendre l'humain de son piédestal. Ça ne devait pas être facile, là. Absolument pas. Non. Et c'est pour ça, soit dit en passant, que vous regardez au milieu du 19e siècle, ou dans la deuxième moitié du 19e siècle, comment on représente le passé de l'humain, l'homme des cavernes essentiellement. C'est un animal très, très brutal, avec du poil, avec des crocs. C'est là que l'image de l'homme des cavernes avec une massue apparaît, etc. Aujourd'hui, les gens vont regarder ça et vont dire « Ouais, mais c'est comme pas mal du racisme envers nos ancêtres pré-humains ou en tout cas des proto-humains, mais à l'époque, c'était très important de montrer l'humain primitif comme essentiellement, d'une manière que nous, on considérait comme négative, brutale, etc., parce que ce qu'on essayait de faire, c'était vraiment de briser le mythe du Jardin d'Éden et de la création biblique, on pourrait dire. Donc, les anthropologues, la guerre du 19e siècle a tourné beaucoup autour de ça. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils se servaient de l'image de l'homme de Cro-Magnon pour redescendre, c'est-à-dire l'être humain qui pensait lui être comme le seul être dans le jardin d'Adam, justement, Adam et Ève, là, donc dans le jardin de Dieu. En réalité, c'était la façon de les ramener sur Terre puis de leur dire, non, désolé, on n'était pas si beau que ça à l'origine, puis c'était un petit peu plus... Oui, donc, il y a tout un travail là-dedans, et juste pour vous donner une idée, je veux dire, on passe fondamentalement en Occident de l'idée de l'être humain qui est en d'échéance, c'est-à-dire on est parti d'ancêtres parfaits, mm-hmm. Adam et Ève, et on a dégénéré par rapport à eux. Donc c'était la vision, disons, très théologique, disons, jusqu'au milieu du 19e siècle. On passe d'une vision comme ça de dégénérescence à une vision d'évolution, donc où on part du simple et du brutal, comme les gens le voyaient à l'époque, et on évolue. Donc, l'idée du progrès. On va voir que cette idée-là va être très, très critiquée et très critiquable, mais si on la replace dans le contexte du 19e siècle, c'était absolument fondamental dans un grand débat entre essentiellement la science et la religion à l'époque. Là. Okay. Donc, ça, c'est une des portes d'entrée dans la discipline anthropologique. Et encore aujourd'hui, quand les gens pensent anthropologue, vont penser, bon, ben, des crânes, quelqu'un qui fait des fouilles, penser au proto-humain, à l'hominisation, etc. Mais c'était juste une forme de cette anthropologie naissante-là. Il y a eu, parallèlement à ça, des réflexions sur la langue, l'évolution des langues humaines. Donc, encore là, il y aurait toute une histoire à faire. Une réflexion sur notre passé qui a donné naissance à d'où on vient, mais concrètement, là, c'est-à-dire d'où on vient en tant que société, où est apparu le premier État, comment est née l'agriculture, comment s'est formée la première société. Exactement. Donc, ça, aujourd'hui, c'est connu comme étant le champ de l'archéologie. Et il y a une autre branche, on pourrait dire, à cette réflexion-là, qui est la réflexion sur la diversité humaine aujourd'hui. Donc, les gens, les premiers anthropologues, disons, occidentaux, dans la discipline anthropologique, regardaient leur société et regardaient plein d'autres sociétés du monde et disaient, ben, les humains sont différents. Pourquoi est-ce qu'ils sont différents? Pourquoi est-ce qu'on est rendu là? Donc, juste pour ramasser tout ça, vous voyez qu'il y a ces quatre influences-là qui ont convergé dans une seule méga-discipline, on pourrait dire, méga-champ de réflexion qui va s'intéresser à l'humain tant en tant qu'être biologique. Aujourd'hui, par exemple, il y a des anthropologues qui travaillent sur la génétique, qui travaillent sur les éléments hérités, on pourrait dire, de notre biologie, de nos comportements, etc. Donc, on s'intéresse tant à la machine, on pourrait dire, biologique humaine, qu'à la langue, qu'à la culture. On s'intéresse au passé profond avec l'archéologie. On s'intéresse au présent actuel avec Donc ça, c'est les différents types d'anthropologie qui existent. Exactement. Et l'idée au cœur de l'anthropologie est de garder un dialogue entre tout ça. Donc, essentiellement, prenez n'importe quel deux aspects de votre vie, de votre société, de vous-même auxquels vous pouvez penser et croisez-les ensemble. Religion et genre. Ben, vous croisez les deux, vous avez un questionnement anthropologique. Les différences de rôle de genre telles qu'on les retrouve dans différentes religions. Croiser économie et politique, croiser religion et politique, etc. Donc, l'anthropologie, c'est vraiment une discipline qui fait des liens, qui compare constamment et qui tente de vraiment dresser un portrait global de l'être humain. Donc, vous voyez que même si, évidemment, il y a des méthodes très sophistiquées qui ont émergé de ça, pour mener cette réflexion-là, on reste fondamentalement dans des questions que monsieur et madame tout le monde se posent régulièrement, constamment. Je fais une petite question comme ça. À Québec, on a quelque chose de très populaire qui est le talk radio. C'est une forme, je dirais, amateur d'anthropologie, d'une certaine façon, lorsqu'on discute et qu'on décortique la politique municipale ou la politique gouvernementale ou l'économie ou si ou ça. Est-ce que c'est un peu ce genre de travail-là qu'ils font, mais c'est pas nécessairement des professionnels de l'anthropologie? Ouais. Mais je veux dire, tantôt on disait monsieur et madame tout le monde se pose du questionnement, mais d'un côté, c'est un petit peu ça qu'ils font aux autres aussi. Absolument. Ben, en fait, oui, dans le sens où chaque fois que vous entendez quelqu'un vous dire « les êtres humains sont comme ça, les humains sont de telle façon, vous ne pouvez pas changer le monde, etc. », c'est vous avez devant vous une affirmation sur l'être humain, sur ce qu'est l'être humain. Évidemment, la différence entre ces radios d'opinion, on pourrait dire, et la discipline anthropologique, c'est que les radios d'opinion n'iront pas questionner ces affirmations-là. On accepte que l'être humain Et comme ça. Puis c'est pour ça que je disais que c'est comme de l'amateur. Oui, mais c'est une anthropologie. Oui. C'est une anthropologie, certains vont dire une anthropologie naïve, mais c'est une anthropologie, en fait, qui ne questionne pas comment elle produit son propre savoir. Mais effectivement, et on ne peut pas fonctionner en société sans, justement, ces postulats anthropologiques-là, peu importe ce qu'ils sont. Hein. Vous vous promenez à travers le monde, vous allez voir que ces données de base-là, ce que les gens disent sur l'être humain, peut varier énormément, mais pour fonctionner, on a besoin de dire, ben, y a des choses universelles à l'être humain. C'est-à-dire que chaque société fait des affirmations sur ce qu'est un être humain, comment un être humain devrait se comporter, quels sont les goûts, les besoins. Bon, par exemple, on a un système économique qui est basé sur l'idée que chacun va travailler pour son intérêt personnel propre. Mm. Ben, il y a une anthropologie fondamentale là-dedans, d'égoïsme, etc. Évidemment, on peut la questionner, on peut décortiquer comment elle s'est émergée. Ouais. Mais essentiellement, l'anthropologie est un récit sur l'humain, constamment. Et on a des récits populaires, on a des récits, justement, comme on voit dans les radios d'opinion, et il y a des récits qui tentent de se constituer à partir de recherches, à partir de données. Bon, on dit que l'être humain est fondamentalement égoïste, bien, on va tenter de trouver le pourquoi. Le pourquoi, ou trouver si c'est vraiment le cas, okay. En examinant différents contextes. Avant de trouver le pourquoi, on va voir si c'est vrai. Oui, et ça, c'est le pain et le beurre des anthropologues professionnels aujourd'hui, c'est-à-dire chaque fois que quelqu'un arrive avec une affirmation générale sur l'humain, c'est de lever la main et de dire, ben voici, j'ai 8 exceptions à ce que vous venez de me dire. Ouais, là. Okay. Et ça, ben il y a eu effectivement toute une tendance ou une tentative de trouver ce qu'on appelait des universaux à un moment donné dans les cultures humaines et dans les sociétés humaines. Est-ce qu'il y a des choses qu'on retrouve absolument dans toutes les sociétés à toutes les époques? Et je vous dirais que c'est extrêmement difficile de trouver ces constantes-là. Ça vient de où, ça, cette passion pour l'anthropologie, M. Hébert? Ben écoutez, au départ, ben, est-ce qu'on a commencé très petit à questionner ses parents et à se demander pourquoi ils font ces choses? Je dirais relativement tardivement, mais j'ai un de mes professeurs, je veux dire, que j'ai eu au bac, qui disait, ben, l'anthropologie émerge d'une crise. Les gens qui vont en anthropologie, en général, ils vont, après justement avoir eu une crise de questionnement sur, non seulement sur leur identité, tout le monde a cette... Non, pas cette réflexion-là, ouais. Ouais. Mais une crise plutôt du genre, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce que il y a certaines normes à respecter? D'où ça vient? Comment ça s'est créé? Etc. Et là, quand on commence à décortiquer un peu tout ce qu'on prend pour être naturel autour de nous, ben là, c'est vraiment le terrier du lapin, là, où on tombe, mais un questionnement mène toujours à l'autre. Donc, au départ, ça m'a mené vers la philosophie. Donc, ma première année à l'université a été faite en philosophie, mais à un moment donné, je voulais quelque chose d'un peu plus concret en disant, ben, OK, est-ce qu'on peut faire de la philosophie, mais avec des faits un peu plus solides, peut-être, ou en tout cas en cherchant des données, et l'anthropologie a été un bon véhicule pour ça. Donc, c'est quelque chose qui s'est développé, c'est pas quelque chose que vous avez dit « Ah, OK, c'est ça que je veux faire ». Non, parce que, honnêtement, qui entend parler de l'anthropologie? Pas beaucoup de monde, parce qu'honnêtement, dans nos écoles, quand on se parle ensemble, moi, je connaissais pas ça. Je vais être bien honnête avec vous, je connaissais pas ça du tout. Absolument. Dans le parcours scolaire, peut-être que les gens commencent à en entendre parler au cégep. Mais au cégep, là, c'est au moment de faire une décision pour plus tard. Donc, venir à l'anthropologie, c'est souvent un parcours tortueux, justement, de gens qui explorent, tentent différentes avenues ou, justement, qui ont eu l'occasion, souvent à travers des voyages, d'être en contact avec une diversité. Et là, ils ont ce qu'on appelle en anthropologie le coup de bambou, là, ouais. Le choc culturel d'avoir voyagé. Et là, le choc culturel, c'est la clé souvent de qui mène à questionner tous les fondements de sa propre société. Et quand vous ouvrez cette porte-là, ben, on ne peut pas retourner. Là. C'est vraiment... C'est la porte de Pandore. La boîte, oui, la boîte qui, de Pandore, qui oui. livre, mais qui est fascinante. Oui. Parce que là, tout d'un coup, tout ce que vous avez considéré comme naturel, allant de soi dans votre vie, devient matière à questionnement. Et ben, c'est ça. Moi, dans mon propre parcours, en fait, je me suis toujours ramené vers le présent, c'est-à-dire mes premiers intérêts étaient vraiment pour la paléontologie humaine, donc vraiment des questions d'où ça vient, l'être humain, comment on s'est formé, les premières organisations sociales, etc. Et graduellement, ben, j'ai fait un passage vers l'archéologie, donc un passé un peu plus proche que notre lointaine paléontologie. Après ça, je suis passé vers ce qu'on appelle l'ethnohistoire. Donc, c'est l'étude, c'est faire des études anthropologiques, mais à partir de documents, des archives, etc. Okay. Et pour aboutir à l'anthropologie sociale et culturelle qui est avec des êtres vivants face à face, disons, qui nous sont contemporains. Là. Donc, j'ai commencé par un intérêt dans le passé profond pour m'en venir tranquillement parce que, justement, je me suis dit, ben, si je veux poser des questions à des gens, ben, c'est peut-être plus facile de leur poser en face que d'essayer de comprendre leur mode de vie à partir de petites traces qui sont très, très énigmatiques. Là. Et là, ça nous amène... à qu'est-ce qu'on va faire avec cette chronique-là? Parce que vous n'êtes pas un artiste invité aujourd'hui. Vous êtes un chroniqueur qui nous parlait d'anthropologie, mais là, vous avez une deuxième passion. Oui, bien, je vous ai dit... Vous avez probablement d'autres passions, mais dans ce qui nous intéresse présentement, il y en a une deuxième qu'on va mixer tranquillement, pas vite, avec l'anthropologie et dont on va parler régulièrement ici à l'émission. Donc, votre deuxième passion, c'est... Oui, bien... je vous ai dit que mon intérêt a commencé pour le passé profond de l'humanité et c'est en venu tranquillement vers le présent. Mais pourquoi arrêter au présent? On peut continuer vers le futur et réfléchir sur le rapport qu'on a en tant qu'humanité, en tant que société à l'avenir. Et cette dimension-là de mon travail anthropologique, c'est souvent développé en parallèle à travers la science-fiction. Donc, les rapports entre l'anthropologie et la science-fiction sont vraiment le nœud de cette passion-là. Je ne sais même pas si je parlerais d'une deuxième passion. C'est la manière dont cette passion-là s'exprime. Alors, disons que c'est une passion qui mixe deux univers. Oui, oui. Et je disais au début qu'il y a de l'anthropologie que... Monsieur et Madame Tout-le-Monde fait, et il y a de l'anthropologie que certains vont dire, bon, savante ou disciplinaire, mais en fait, quand on parle de l'intersection entre l'anthropologie et la science-fiction, on est pile sur la clôture entre les deux. Et on voit que cette clôture-là, elle est loin d'être hermétique et qu'il y a de l'influence de part et d'autre. Et c'est vraiment cette influence-là qui va être intéressante à suivre à travers un certain nombre de chroniques. Là. Parce que c'est ça qu'on s'était dit. Quand vous m'avez parlé de ça au début, on avait commencé à faire une chronique. Puis il faut que les gens comprennent puis se remettent dans le bain. C'est que vous puis moi, on a déjà fait des entrevues ensemble. Puis finalement, on a fait une deuxième. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait tellement de points à toucher qu'on s'est dit, OK, on recommence à zéro. Mais là, on va faire une chronique qui va revenir régulièrement parce qu'il y a trop de points à toucher. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va toucher à des œuvres importantes du domaine de la science-fiction, qu'elles soient peut-être littéraires ou cinéma, mais tout ça pour permettre aux gens de visualiser une œuvre d'une autre façon. C'est-à-dire pas juste comme un spectateur qui va voir un film commercial avec son popcorn, puis sa liqueur, puis il s'assoit là, puis il met son cerveau à off, puis c'est fini. Nous, on va le réveiller, le cerveau, parce que l'idée, c'est de vous faire voir quelque chose que vous n'avez peut-être pas vu. Absolument. Et que ça fonctionne dans les deux sens, c'est-à-dire que c'est une manière d'apprécier des œuvres peut-être que vous connaissez déjà ou d'en découvrir d'autres, que vous ne connaissez pas. Donc, l'anthropologie permet justement une autre lecture de ces œuvres-là, mais en même temps, on va se rendre compte que ces œuvres-là sont aussi un travail anthropologique qui va nous aider à réfléchir sur des questions qui sont très actuelles, qui nous touchent, sur lesquelles on a des débats de société constamment. Mais d'ailleurs, probablement que les grandes œuvres qu'on a eues, que ce soit cinéma, télévision, littéraire ou autre, à l'origine, la recherche qu'ils ont dû faire pour se rendre là, que ce soit pour nous montrer une société future ou nous montrer une société passée ou quelque chose comme ça, à l'origine, ils doivent avoir travaillé avec des anthropologues ou du moins s'être arrêté deux secondes puis avoir fait un travail d'anthropologue pour justement se dire... Est-ce que ça a un sens vers où on s'en va avec notre univers ou l'univers qu'on présente, est-ce qu'il a une logistique qui est réaliste ou pas du tout? Absolument. En fait, le travail d'auteur et de créateur de monde imaginaire, bon, ça peut être la science-fiction, certains genres de fantastique, etc. Ce sont des anthropologues à leur manière. C'est-à-dire que si vous créez un monde imaginaire, votre monde doit quand même avoir une logique. Il ne peut pas arriver n'importe quoi dans votre monde. Il doit avoir des règles, il doit avoir des constantes. Et c'est justement dans la manière dont les gens définissent ces constantes-là qu'ils deviennent eux-mêmes un peu anthropologues de leur propre monde. Mais en même temps, ce n'est jamais complètement arbitraire. C'est-à-dire qu'il y a toujours un reflet de notre propre société. Et ça va être aussi un élément intéressant à poursuivre, c'est-à-dire comment ces œuvres-là nous aident à approfondir notre réflexion sur notre propre société. C'est pas juste du divertissement. Je veux dire, vous ne pouvez pas regarder 1984 et vous dire ben, finalement, c'était juste une fantaisie de l'auteur qui voulait divertir. Il y a quelque chose de profond qui est en arrière. Maintenant, on va en parler, puis on va vous la présenter. Puis même là, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va... Ce qu'on dit va nécessairement être ça, mais ça va apporter peut-être l'idée à une personne d'avoir sa propre réflexion puis de se dire, OK, le concept de base qu'ils ont donné, je le prends maintenant. Cette personne-là va peut-être faire son propre travail d'anthropologue parce que c'est justement c'est un anthropologue, si j'ai bien compris, c'est pas juste quelqu'un qui accepte des faits, c'est quelqu'un qui va contester les faits pour justement faire avancer lui-même, apprendre ce qu'il voit, puis en même temps, peut-être apporter sa propre thèse aussi, puis sa propre version là, qui peut compléter ou approfondir ou même corriger quelque chose qui a été présenté ou qui a été dit. Là. Oui, absolument. Ben, ça nous ramène à l'origine de l'anthropologie. C'est pour ça que la discipline elle-même, elle est née, c'est-à-dire pour contrer des visions dogmatiques de ce qu'est l'être humain et qui présente des certitudes. L'anthropologie va toujours apporter des questionnements, un raisonnement critique et la science-fiction, surtout la contemporaine, fait exactement le même travail de questionner nos présupposés, de questionner ce qu'on croit être la réalité constamment. Savez-vous qu'il y a quelque chose de traître avec moi? C'est que je suis hyper détestable. Puis là, je viens probablement mettre un hameçon, puis là, les gens sont tous là, OK, mais là, on aimerait ça écouter la prochaine, on veut savoir... Ça va venir sur la prochaine chronique dans quelques mois? Ça, je suis pas maître du temps, moi. C'est ouais. Ça. Mais non, mais ça va être super intéressant. De toute façon, je pense que... sur le coup, comme ça paraît drôle, mais je pense que quand les gens vont commencer à voir les sujets qu'on va apporter, ils vont comprendre pourquoi je tenais vraiment à ce qu'on fasse quelque chose avec ça, parce qu'il y a quelque chose de vraiment plaisant puis de passionnant à faire avec cette chronique-là. C'est déjà tout pour cette émission abrégée de Fantastica. Si vous désirez nous suivre, vous pouvez écouter notre programme de 3 heures qui est diffusé une fois ou deux semaines et ce, en vous inscrivant gratuitement à notre page Facebook de Fantastica Radio Web afin de connaître les dates de diffusion des nouvelles émissions. De plus, il vous est possible de vous rendre sur notre site web au www.fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, afin d'obtenir plus d'informations sur cette émission, mais également sur mon podcast Programme Double, dans lequel je vous parle de la création de divers films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à nous rejoindre de nouveau ici même afin d'écouter notre prochaine édition abrégée de Fantastica. I'm going to go to the hospital.